c'est le même t'inquiète. Sois prêt, joujoujoujoule. J'peux changer, je gère mes affaires. J'travaillais comme c'est pas permis. J'vais racheter la moto, la mettre en arrière. Même cet été, j'aurais pas de permis. J'donne un survêtement. J'suis pas comme eux, moi discrètement. Tu peux me voir dans le bolide allemand. Tiens, teste-le, j'en ai rien à foutre. Moi, j'parle pas dans le vent. M'en tape des sous, mais complètement. Et j'lève même en bête, pas 300. Ils font les assassins, ça devient agaçant. Combien de fois j'suis tombé? J'suis dû apprendre à me relever. Faut mieux croiser les cantés. Mais passe-moi ton stunt. J'cabre et je fais des ronds. Tu peux me voir dans une Twingo ou poser au check. Pourtant j'rappe et je fais des ronds. Je joue au foot en 14 fédéraux. Maintenant j'fais des tubes et j'en fais des gros. J'ai déjà croisé, moi j'ai jamais fait le gros. Son gars pas ta folle, moi j'ai pas les crocs. Toujours les mêmes, ouais, ouais. Dans mes baskets, ouais, ouais. Les sangs de la veine, ouais, ouais. C'est la même, t'inquiète, ouais, ouais. Toujours les mêmes, ouais, ouais. Dans mes baskets, ouais, ouais. Les sangs de la veine, ouais, ouais. Des années, mais le quartier m'a trop marqué. Même en soirée, chez les blindés, j'danse le Mia comme un cramé. J'y ai saigné, j'y ai aimé, j'y ai ramé, j'y ai fané. Pourquoi changer ce qui m'a fait enraciné? J'peux pas tomber, jamais. J'ai pris de haut pour une photo ou un poteau. J'ai des valeurs qui n'ont pas de prix. J'ai le malheur d'un incompris. Parler, j'm'emballais pour la marée. J'fis ce qu'il fallait. Mon parcours scolaire n'a pas prévu tous ces concerts. Malgré ta monnaie dans le bibi de mes bébés. Les clichés, les condés, Habibi, j'suis abonné. Dans mes veines, une sereine marseillaise est plantée. Toujours un, toujours vrai, comme N'Golo Kanté. Toujours les mêmes, bien dans mes baskets, ouais, ouais. Le sang de la veine, ouais, ouais. C'est la même, t'inquiète, ouais, ouais. Toujours les mêmes. Parce qu'il y a rien pour eux. Et personne ne voit le drame. Non. Et personne voit le drame. Non. Et personne voit le drame. Toujours les mêmes, ouais, ouais. Dans mes baskets, ouais, ouais. Le sang de la veine, ouais, ouais. C'est la même, t'inquiète, ouais, ouais. Toujours les mêmes. C'est la même, t'inquiète, ah, c'est la même, t'inquiète, ah, c'est la même, t'inquiète, ah, c'est la même, t'inquiète, ah, c'est la même, t'inquiète. Ah,